Cassio sort, Othello quitte sa cachette. « Comment le tuerais-je, Iago ? Avez-vous vu ? Comme il arrive de sa vilenie. Oh, Iago, et avez-vous vu le mouchoir ? Était-ce le mien ? Par cette main levée ! Et vous voyez quel cas ? Il fait de la folle créature, votre femme. Elle lui a donné ce mouchoir, et lui, il a donné à sa putain. Oh, je voudrais le tuer pendant 9 ans. Une femme si belle, une femme si charmante, une femme si adorable. Allons, il faut oublier cela. Oui, qu'elle pourrisse, qu'elle disparaisse, et qu'elle soit damnée dès cette nuit, car elle ne vivra pas. Non, mon cœur est changé en pierre. Je le frappe, il me blesse la main. Oh, le monde n'a pas une plus adorable créature. Elle était digne de reposer aux côtés de l'empereur et de lui donner des ordres. Voyons, ce n'est pas là votre affaire. L'infâme, je dis seulement ce qu'elle est. Si adroite avec son aiguille, admirable musicienne, oh, avec son chant, elle apprivoiserait un ours. Et puis, d'une intelligence, d'une imagination si élevée, si féconde, elle n'en est que plus coupable. Oh, mille et mille fois plus. Et en outre, d'un caractère si affable. Trop affable, vraiment. Oui, cela est certain. Mais quel malheur, Iago. Oh, Iago, quel malheur, Iago. Si vous êtes si tendre à son iniquité, donnez-lui pas tendre pour faire le mal. Car, si cela ne vous touche pas, cela ne gêne personne. Je la hacherai en miettes. Me faire cocu. Oh, c'est affreux à elle. Avec mon officier. C'est plus affreux encore. Procure-moi du poison, Iago, cette nuit. Je ne veux pas avoir d'explication avec elle, de peur que son corps et sa beauté ne désarment mon âme encore une fois. Cette nuit, Iago. N'employez pas le poison. Étranglez-la dans son lit, le lit même qu'elle a souillé. Bon, bon. La justice de ceci me plaît, très bon. Et quant à Cassio, laissez-moi être son croque-mort. Vous en apprendrez davantage vers minuit. Excellent, Iago.